Dolbeau Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement 175 $ aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois, ou obtenez 11 000 $ sur certains camions. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. Quand arrive un problème électrique, on est souvent désemparé. Alors, ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord, 1025 Première Avenue, L'Ascension. Notre spécialité, les installations commerciales, résidentielles ou industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible. 40 ans dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Faites confiance à des pros. Contactez immédiatement les électriciens du Nord, 88-347-5103. Toute notre équipe salue le mois de l'arbre et de la forêt. Le boxeur Jean Pascal a annoncé qu'il va remonter dans le ring le 29 juin contre Steve Bossé. Question de savoir un peu qu'est-ce qui l'a motivé, parce que la dernière fois que j'y ai parlé, il était censé prendre sa retraite. On lui parle. Salut Jean! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Moi, je veux te dire bien franchement, j'ai jamais cru à la retraite, puis ça, je t'avais parlé, tu étais en Floride la dernière fois qu'on s'est parlé. Puis, qu'est-ce qui t'a motivé, finalement? Est-ce que tu étais sérieux à l'époque que tu disais que tu allais prendre ta retraite? Définitivement, j'étais très, très sérieux. Je ne veux pas avoir une plus belle fin de carrière que ça, de terminer sur une belle victoire, un TKO sur un jeune prospect invaincu dans son patelin. Alors, j'étais définitivement sérieux au fait de prendre la retraite. Cependant, avec le temps, j'ai vu que les gens, les fans, les gens qui ont supporté financièrement voulaient voir un dernier combat. Alors, après avoir eu le faveur de maman et grand-maman, j'ai décidé de faire un retour pour pouvoir faire plaisir à mes fans. Dans le fond, terminer où j'ai commencé au Québec. Ouais, c'est plus logique un peu, mais c'est vraiment là ton dernier combat là, ben tu sais plus. Contre Bossé, pour être franc avec vous, non, je fais retour à la compétition. Le combat est à 200 livres, ça va me permettre de tester l'eau dans les poids lourds. Alors non, et définitivement, je crois que ça va pas être mon dernier combat de ma carrière. Ok, Jean, pourquoi Steve Bossé? Mais c'est lui qui me donne un défi. Moi, je suis un homme de défi, un athlète de challenge. Alors, j'ai décidé de relever son défi. OK, OK. Est-ce que, donc, j'imagine que pour toi, c'est un test que tu fais. Tu l'avais dit, tu passes à une autre catégorie, c'est ça? Exactement. Moi, ça va me servir de tester l'eau. OK. Pour voir si j'ai une étoffe de boxer dans les poils. OK, c'est sûr que c'est difficile hein, pour un boxeur de changer de catégorie. Hein. Tu penses-tu que ça va être difficile pour toi parce qu'il y a l'histoire du corps, il y a l'histoire que là tu t'en vas de... Non? C'est sûr que la soirée de combat, c'est va probablement avoir 25 à 30 livres de plus que moi. Ouais. Ben c'est ça qui va être justement intriguant pour les amateurs de sport pour savoir si je vais être capable de concilier de malgré un handicap de 30 livres, vous êtes capable d'absorber les coups de Steve Bossé et de pouvoir remporter ce duel. OK. Jean, si on parlait maintenant, il y a des amateurs qui veulent te poser des questions. J'ai demandé aux gens, évidemment, s'il y avait des questions. Puis il y en a un qui m'a demandé, ton plus grand regret, c'est-tu pas avoir affronté à Denis Stevenson? Non. Ça devrait être son plus grand regret à lui, pas à moi. Parce que moi, j'étais déjà ouvert à ça, mais cependant... Lui, il a fait une carrière à la Lucienne Bouté, mais son département marketing était un peu déficient, alors ça n'a pas donné le même résultat. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui est plate, c'est exactement la même chose que Lucienne Bouté a fait, mais c'est juste que Lucienne Bouté avait un meilleur département marketing avec lui. OK. Ben, Jean, on va te souhaiter la meilleure des chances. Évidemment, je pense que tu ne devrais pas avoir trop de problèmes quand tu dis bosser. Et par la suite, ben, ça va être un changement de catégorie pour voir ça. Merci beaucoup. Voilà, Jean-Pascal qui remonte dans le ring le 29 juin.